Are you ready? Rail suprême. 2 heures DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? remue tes fesses. On fait dans la musique mieux que de faire dans la cesse. Je suis avec des chawis, je suis avec des pilcus. Y'a ceux qui roulent en gamme, on sait ceux qui prennent le bus. Je cherche la petite bête pour sortir ce soir. Faut que je m'embrouille avec ma meuf, faut que j'invente une histoire. Y'a Riette qui m'attend, ça fait plus d'une heure. Raconte pas tes problèmes de cœur, je suis pas d'humeur. Ok, Jik à domicile. نعيش بالقليل عمري تروكي صافي زيزير راني باغي نديفولي ومدير شي يقول لي راسي راني مع حبي شغولي واللي تخدع دوزي كلاسي راني باغي نديفولي ومدير شي يقول لي راسي راني مع حبي شغولي واللي تخدع دوزي كلاسي واش غاي ولا مود غاي. Un peu de soleil, je te remets en mode fly. La solution mec end, il paraît que c'est la crise. Il paraît que tiens, reder, ne me fais pas la bise. On traîne en lambeau, souvent en Clio. On fait des fihnines, fuck les bimbos. Tête de bico, avec un gros naso. Tu fais pas vie cousine, ton sac vite, c'est un faux. Ok, allô docteur. Yeah oui mon cœur. Allô docteur. Yeah oui mon cœur. Allô docteur. Yeah oui mon cœur. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si

حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب الشاق عايشة صديق عايشة صديق عايشة صديق Elle a pris du gars, pleine de chicha, en chicha, mais plus dans les corps. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle décolle sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif et tu veux la consommer, consommer son boulot, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les enfants sans blabla. Elle provoque des bâtards, elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Panama, on lui veut la part des ans comme ça. Malakini baye bodo beba bongi. Et ça pèse, un bolide. C'était bon nom dans le bolide. Allez tout le monde attache à mon fusil de sang. Ça y reconnaît pas contrefaçon. Regarde toi tu connais ma notion. Les rois de la sape et de la chocoration. Sapé comme neve des neve dans le carré. 20 bouteilles sur la table, j'vais encore finir bourré. Allez Yamato, Pinakotazo. Avec moi la non, préviens toute la zone. Équipé comme jamais, les 10 mètres sont charmés. On va tourner de Kine jusqu'à la côte. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. T'avances sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent. Bienvenue dans la terre du milieu. DJ Kaïs. On est sapé comme jamais. Laisse ton cœur en poussière pour un demi-lieu. Normal que l'on casse la démarre. Au bout sont ces photos que j'ai démarre. Je suis sur la piste pour la laisser des tumeurs. Au clou du poignet, j'ai le salaire à Neymar. Dans mes grands coups, je vois l'avenir. Le meilleur reste à venir. Allô, tu grattes, tu craques. Imaginez ce qu'un craque. Ah ouais, mani, craque. Maître, tu ne sais craque. Ça arrive. Jamais, ça paye comme jamais, ça paye comme jamais, ça paye comme jamais. Y'a Loulou et Boudin, Loulou et Boudin, y'a Cocona Chanel, Cocona Chanel. Papé, chasse l'animal, fais-moi un blouson. Papé, donne 20 000 euros, je citerai ton nom. Mamé, j'ai même pas touché, qu'elle me fait un dégât des eaux. Mamé, faire plate à le bout d'un cendrillon. Gamos, beau gosse, vamos, bouge à Phuket, et moi demain. Je fais les 100 pas, je pense au peso, je t'oublie, tu boudes, et moi de loin. Roger, Mila, Wea, Drogba, comme eux, j'ai marqué le terrain. J'ai un jean en or, Balmain, j'ai un jean en or, cousin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. T'avances sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent. Il est ça paye comme jamais, ça paye comme jamais, ça paye comme jamais. Y'a Loulou et Boudin, Loulou et Boudin. Y'a Cocona Chanel, Cocona Chanel. Ouais, Imani, Flo, Armani, tu sais bien qui je suis, je ne fais pas de manie. Et dans la nuit, t'entends le bruit de mes talons. T'es prêt à jurer que c'est Valentina. Oh, j'appelle Moschina. Ce soir, grosse soirée, faut pas que je vise le décor. En voiture immobilisée, et mon poignet est relaxisé. Change pas, c'est la femme que vaincre la baraka. C'est pas la

t'ont fait marrer toute l'année. Est-ce que t'aurais des poux éventuellement en stock sur la tête? Ah, j'en ai, oui. Oui, j'en ai. Bah, je vais venir les récupérer ce matin. Eh ben, tu fermes ta gueule. Oui. Et puis tu passes. Je te ferai voir comment que je m'appelle, moi. Ben, tu t'appelles Jean-Philippe. Jean-Philippe, et tu es un pouilleux. Oui, c'est ça. Jean-Philippe le pouilleux. Ils ont réveillé la France entière. Oui, moi, je suis en pyjama, alors c'est peut-être pas le moment. Pour bien finir l'année, viens écouter les meilleurs moments du Morning Daddy Fool dans le Morning Best entre 6h et 9h sur Skyrock. Oui, je répète, transport d'une victime âgée de 20-25 ans suite à un accident de la circulation ayant occasionné la section d'un membre et de multiples blessures au visage. Probablement en état d'ébriété au moment du choc. C'est noté, on tient prêt. Un deuxième véhicule suit avec un jeune homme, même âge, en arrêt cardio-respiratoire. Tous les deux jours, un jeune entre 18 et 24 ans se tue sur la route à cause de l'alcool. Un accident mortel sur deux a lieu la nuit. Sécurité routière, tous responsables. Non mais moi quand je vais sur Yax, je me tape des barres, je rigole trop franchement. Moi sur Yax, ce que j'aime c'est le côté anonyme, on peut dire ce qu'on veut quoi. Moi ce qui me plaît avec Yax, c'est que je peux voir tout ce qui se dit dans mon bahut. Moi ce que je kiffe, c'est de pouvoir parler, de rencontrer de nouvelles personnes. En fait, ce qui est bien avec Yax, c'est que tu fais ce que tu veux. Yax, YAX. Télécharge l'appli, elle est gratuite. Qui est l'artiste français de l'année? Je suis français. L'artiste international de l'année, le clip de l'année, l'album de l'année et le titre de l'année 2016. Tu les as choisis sur l'appli Radio Skyrock. Retrouve le résultat des votes Planète Rap 2016. Les votes Planète Rap. Lundi soir à 20h, en direct sur Skyrock. Avec un iPhone 7 à gagner si t'envoies tes pronostics au 7-20-20. C'est Rail Suprême. Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Rail Suprême, deux heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. T'en veux encore? Oui, elle est bonne, t'en voudrais encore. Elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boulot, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, sous bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les enfants sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paris. Tu rêves, t'es fou. Skyrock. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. dollars. Tu fais le riche, mais de la monnaie, t'en as pas. Tu veux faire confiance, mais tu vois que des bâtards. Tu fais le polygame, mais zéro madame, madame, madame. Des bleus verts, t'en as marre, mais est-ce que t'as ça? Mais t'es maté ça. Toute la soirée, laissez-moi dans mon délire. Excusez-nous si on fait de gros délits. Trop de monnaie, décale-toi d'ici. T'as déconné, je te visais comme Tony. Aïe aïe aïe, ton mec a pas de baillé. Aïe aïe aïe, tu veux te tailler. Ça assume pas, les verts, c'est danger. Ce soir, je mange avec toute l'équipe est chaude. Ça va faire scandale quand je débarque, c'est chaud. Pourquoi tu me regardes manger les pesos? Tu veux faire la dure, mais je t'ai déjà pécho. Décale-toi, je t'ai déjà pécho. Va là-bas, je t'ai déjà pécho. Ciao, ciao, ce soir, je vais manger. Aïe bye bye, j'ai déjà pécho. Ciao, ciao, ce soir, je vais manger. Aïe bye bye, tu voulais méga les mettez un. T'es pas mon ami, mais t'es qu'une un. T'as la tête qui tourne, mettez un. Qui voulait une équipe, mettez un. Tu voulais méga les mettez un. Pas mon ami, mais t'es qu'une un. T'as la tête qui tourne, mais t'es un. Juste pour tous les jaloux, levez les mains. Rail suprême. Rail suprême. Minuit, 2 heures sur Skyrock. Oui, Mustapha, oui. En personne, toujours humain, hein. En constat, voilà. Élégant, élégant, toujours humain. On Skyrock. Élégant, okay. Il sait même pas danser dans le carré VIP, pas. Il bouge même comme un has-been, pas. Mais il gère toutes les copines. L'équipe est deeper, son porte-monnaie est équipé. Toujours ambiancé, il sait pas danser. C'est un trafiquant dans la cité. Ceinture Hermès, je suis loupé. Dans ce queue sur du pouce. 6h, t'es loup pour des bisous. Midi debout, repars bredouille. Japonais, Mustapha ne parle pas japonais. Japonais, Mustapha ne parle pas japonais. Coller la cougar, il n'est pas doué. On va coller la cougar, il n'est pas doué. Allez coller la cougar, il n'est pas doué. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. DJ Vince, with protection. La boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Bisou, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Bisou, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Bisou, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Le garçon est mignon, la fille est mignonne. Le garçon est mignon, la fille est mignonne. Le garçon est mignon, la fille est mignonne. Le garçon est mignon. Tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Moulette vient de Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis seul raté, t'es sans bonne touche. Afro trap marqué, donne ça pour ma gros. Fini au chèque, on m'a donné la sauveur, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Sheik. Les négros en redemande, passe un coup de fil, y'a d'un peu frais sur comment. Tu me passes sur les réseaux, tu t'es ma m'écrit. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. Je suis toujours en apnée, ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la Yoka. On se bute à la peuf, c'est la Champions League. 7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. 9-4, c'est la Champions League. 9-5, c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Panam c'est la Champions League, Fox si t'es pas de ma team. Panam c'est la Champions League, on pèse nos Champions League. Panam c'est la Champions League, Fox si t'es pas de ma team. On pèse nos Champions League, click click click click click click click. Suprême sur Skyrock. Échec qui passe au mar, ouais, c'est pas ta mentir. J'ai pas de tige de pêche, connais pas mon salaire, mais c'est pas des boutiques. On m'a dit qu'à fouguette la concurrence, vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le mur, fiston et puis Skyrock. de nos sorts. C'est toi et moi ce soir, comme deux étoiles dans le noir. J'ai retrouvé l'envie d'y croire, moi qui avais perdu l'espoir. Je me Rise Suprême, minuit. Minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. Moi jusqu'au bout de la nuit, y'a tant des yeux que je revis. Ma baby girl, señorita, la baby girl, mamacita. C'est toi et moi ce soir. Le bitume s'enflamme, je dis bonjour à tout le monde. Salam, salam, salam. J'ai aperçu ta silhouette, c'est le milieu de la piste. Tu te déhanches discrètement sur le dernier son de l'artiste. Ana wiyak, ana wiyak, nfarahou lyoum. Ana wiyak, ana wiyak, nhablou lyoum. Ana wiyak, ana wiyak, nfarahou lyoum. Ana wiyak, ana wiyak, nhablou. C'est tout la LON en direct à Pointa. Pour les frangins qui mettent en ilangin. Normal pour les anciens. Pour ces anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en crête, y'a des mecs comme ça. Que des délitudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça s'engraine, ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines. Des beaux mètres à nuit. Et j'camberge. Normal, comme tu t'abolles, normal. Toi la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. J'cache la plaque, normal. Verre de hobby, normal. Après t'en cagoule, normal, mal, mal. Minuit, 2h, Rise Suprême. C'est Rise Suprême sur Skyrock. J'fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. Dans ton salon, ça sera sûrement désagréable. On Skyrock. Mon riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. J'fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je sais pas raisonnable. L'enfant dans ton salon, ça sera sûrement désagréable. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, ont-ils dit. Y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Le règlement tous une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Des alertes en prison, certains n'en reviennent pas. J'ai craché des mouvetons tous sur le même toit. Toujours d'humeur à l'élever, que l'avenir suce mon troisième doigt. Non, moi je ne t'aime pas, ni celui qui est sur le toit. Je pense à plus tard, chez moi tous les chemins mènent au star. Tu veux que je fasse quoi? Avant de brûler les cellophane, j'en place une pour tous nos fans. Sans vous c'est la fin. Je n'ai pas d'auteur et je reprends ça le matin. Ma chérie, j'ai rien à la dire. Regarde nos têtes balafrées, marquées par la life. Larry nous a pas raté. Et puis je suis pour calmer mes nerfs. Dans le rap on est venu faire le ménage. Je rêve d'une ville à payer pour ma mère et d'une balance de thé pour les lacs. Gros avec Zaydi on a rock. Case, t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Appelle les poulets, une équipe de berbères vient pour tout ravaler. Les capos, c'est nous, ne viens pas te mêler. Je passe pas à la télé tant que mes rebés écoute, j'ai rien à prouver. Danse comme un Shaoui, mes Bailey, mes Riffy, mes Schlerhé, mes Arbi, Maroc, Algérie, Tunisie, Maghreb, Uni. Mes berbères sont frais, Balenciaga. Nique tout sur la piste, amène ta go et tape du pied, danse comme un Shaoui. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Zama, profite des moments de joie. Zama, on ne vit qu'une fois. Oh, Cosmos présente. DJ Mourad. C'est ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les centimes. J'fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas fané. J'fais les laisser dans le déni, car ce soir j'suis dans mon délire. Ouais, tout seul, ça devient terrible. Ouais, ouais, ouais, ouais. Parle pas trop de folie, même mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive. Ouais, ouais, ouais, ouais. Un blue love, Charlie, ouais, n'a pas rien dansé. DJ Mourad, ta copine est danger. Frère, t'as le bled, ça va pas changer. J'suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Hlounes, la France, in Alboholo. Michel, où y'a l'imka, ma gardima, Michel, salut tout le monde. monde, c'est DJ KS. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Supreme sur Skyrock. Hot.

متاكين شو وجنو باقيين شو ربنا خايف نحصل لنا Chambon, mon parfum c'est oseille, DJ play, mon son, il se ruine en bouteille, incroyable mais vrai, MC en bébé gay, m'arrive toujours pas, là je vis encore moins alors, hey, j'ai dû m'envoler, blasé, pas le sommet, veulent me violer, bronzer, sous mes rayons de soleil, ils font les beaux, ils font les shows, stupides dans leur vie, mais non pas le charme du ghetto, dans la rue ça part plus vite, flic, bang, j'suis pas un boy spin, ni un gangster, les chalots font les dingues, savent devant qui est cancer, monde au solo des sincères, tant qu'à faire, monde un libéral qui se insère, légendaire, légendeur, je suis ce que j'endure, en tant que terre, ils portent un string dans mon flingue, c'est un joueur. Skyrock, Rail Suprême. Qui est l'artiste français de l'année ?